avec le temps quand ton esprit devient vide. Puis quand ton esprit devient vide, tu ne peux pas avoir d'orgueil parce qu'il n'y a plus de réflexion dans ton ego. Tu ne peux plus penser. Tu ne peux plus avoir d'émotions subjectives. Fait que tu ne peux plus faire l'expérience du phénomène de l'orgueil, autrement dit de la vibration de l'orgueil. À ce moment-là, tu es bien. Mais tu ne peux pas être bien tant que ce n'est pas le temps. Parce que être en dehors de l'orgueil, c'est un état. Quand tu es en dehors de l'orgueil, tu n'es plus dans ton ego. Tu ne sens plus ton ego. Tu ne sens plus ta personnalité. Tu es dans le mental. Tu n'es ni ici, tu n'es ni là. Tu ne réfléchis pas sur tes actions ou sur la dimension de ton savoir ou sur la dimension de ce que tu dis. Il n'y a rien. C'est neutre, tu es bien. Quand tu n'as plus d'orgueil, tu es heureux dans l'esprit. Mais c'est avec le temps qui vous amène à cet état-là, puis ça vient au fur et à mesure qui détruisent en vous les vibrations subjectives de vos émotions puis de votre mental. Ça va prendre 3 ans avant que tu commences à comprendre ça. Dans 3 ans, tu vas commencer à comprendre puis à vibrer au niveau du non-orgueil. En attendant, me souffler. Là, tu sais que plus qu'un gars réalise que c'est pas lui qui pense, ça fait échec à l'orgueil? Oui. Plus tu réalises que c'est pas toi qui pense, ça fait échec à l'orgueil, mais c'est subtil. Parce que s'il donne le pouvoir de la connaissance ou s'il donne le pouvoir de quelque chose, si un jour ils te prennent par surprise puis ils changent tes vibrations, puis tout d'un coup tu t'en aperçois pas, là, tu vois une pile de livres s'adapte, tu dis, hey, tasse-toi là, puis le livre s'en va là, là tu vibres en dedans. Oui, les premiers pas normalement, ouais. Bon, tu vibres. Fait que là, il te coupe, là, puis là, tu restes cette vibration-là, tu vois que tu n'as encore de l'orgueil. Oui. Ça, mais plus qu'un certain niveau, c'est un point d'appui qu'on peut se fier. Quand je dis qu'on peut travailler sur un certain point d'appui, puis quand on atteint ce point d'appui-là, par des circonstances, on nous fait réaliser qu'on entoure, ils vont nous donner peut-être un autre point d'appui. Ça, il te manque. C'est ça. Bon, puis éventuellement, ils vont tester, là. Ils vont te donner, je ne sais pas, ils peuvent te donner de la voyance. Ils peuvent te donner de la voyance. Parce que la voyance, c'est à peu près le moins traumatique, si tu veux. Ouais. Ils n'ont pas à enfreindre des lois trop. Puis là, tu vas voir que si tu as de la voyance, puis tu ne vibres pas. Ben, voyez-vous, un gars averti, comme vous dites, là, s'il voit de la voyance, moi, si je pense, là, on va dire, hey, il n'en veut plus, ben non, je fais tout de suite une contre-réaction. Qui va être positif envers l'orgueil. S'il réalise là, que ce qu'il me donne, c'est une absence pour me poigner. C'est pas pour te poigner, c'est pour te faire réaliser jusqu'à quel point tu vives encore. Ouais, pour faire me sensibiliser, me faire réaliser. Ouais. Mais ouais, mais faut pas que tu entends ça. Il te donne sournoisement. Tu t'en attends pas, puis oups. Tu viens de dire quelque chose, puis whoop, ça se passe. Fait que là, tu vibres d'une petite, ça te donne des petites. Ouais, ça te donne un drill. C'est subtil. C'est comme si on dit quelque chose, puis après l'avoir dit, on réalise qu'on ne savait pas, mais on l'a appris. On l'a dit. On l'a dit. Ouais, on l'a dit. On l'a dit, on réalise qu'on ne savait pas. Alors, ouais. On l'a dit, mais on l'a appris en même temps. Quand tu le dis, tu le dis. Quand tu n'apprends rien quand tu dis quelque chose, tu réalises que ce que tu as dit, ça devient de l'apprentissage. T'apprends rien, t'as plus de mémoire. Ah, tu sais, quand vous dites quelque chose, là, après ça, vous pensez que c'est fini. En fait, j'ai dit ça. Là, vous réalisez que vous avez appris quelque chose. Ouais, ok. Parce que t'as une mémoire. Puis là, t'as un petit trill. Si t'as pas de mémoire, t'as pas de trill. Tu sais pas si tu l'as réalisé. Ah, oui, évidemment, vous avez de la mémoire en tour. Quand vous avez de la mémoire, vous avez un petit trait. Ah, ben oui, mais vous dites, c'est les premiers pas d'un enfant pour ton monde. Ah, oui, mais je vous explique. Ah, ouais, c'est ça. Ça, c'est cool, papa, toi. Il dit qu'un homme ne peut pas voir la lumière puis être souillé dans l'ego. C'est anti-vibratoire. Ah, il y a la chienne. Tu peux pas être suivi dans l'ego. Nous autres, quand ils nous contactent, pourquoi est-ce qu'ils se montrent les binettes? Parce qu'on est fusionnés. Fait que, ils te barrent l'émotion, puis ils te barrent le mental, puis ils te barrent le physique, ils te barrent tout partout. Fait que tu grouilles pas. Tu regardes, puis t'es gelé.